Lost in the Call de la formation Young Galaxy. Ça vient de leur premier album. C'est bon, j'aimais ça. Oui. Ouais, c'est bon. Très calme. Très calme. Je n'entendais pas ça. Moi, j'avais vu cet album-là sur des journaux genre Exclaim. Mm-hmm. Il y avait tout le temps des publicités de Young Galaxy avec la fille qui se pète la margoulette dans la mer. On voit vraiment une fille qui se plante dans la mer. C'est quand même joli. Et ça m'intriguait. Je m'attendais pas à de la musique aussi calme que ça, mais j'avoue qu'en y repensant, l'image est appropriée. Ça fait mer. On se promène dans quelque chose des vagues. Voilà. Voilà. Merci Stéphanie. Merci Steph. Vous écoutez quelques bons moments des deux dernières sessions d'Assemblage Requis. Je vous rappelle que la saison estivale de l'émission commence officiellement le jeudi 12 mai avec la vie de croisière d'Assemblage Requis. Je n'aimerais ça en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourré tous les jeudis de 13h à 17h. En rappel, les samedis à midi et les lundis à 15h. Pour l'instant, on prend une pause et on revient avec d'autres bons moments dans ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. T'as pas d'écouteur aujourd'hui, ça. Alors, comme une belle intro. Ben oui, ben c'est une courte intro, mais tu vas voir que la musique est très entraînante aussi. Ouais, très, très bien. Donc, Marie-Pierre qui va être avec nous ici à Assemblage Requis avec sa chronique avec un nom à déterminer plus tard. Un nom à déterminer plus tard, oui. Chronique littérature, chronique livre. Exactement. Aujourd'hui, j'ai choisi de venir vous parler d'un livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Mmh. Ça vous dit peut-être quelque chose. Si je vous dis, par exemple, Odette, tout le monde, ou encore Oscar et la Dame Rose, c'est des films qui ont été adaptés par rapport à deux de ses livres. Donc, ça vous dit peut-être quelque chose, cet auteur-là. Okay. Moi, ça me dit rien. Moi non plus en ce moment, mais je suis peut-être pas très, très, très évolué côté, côté cinéma et livre, en fait. Donc, tu vas m'enseigner des choses. Oui, je vais vous enseigner des choses. Parfait. Premièrement, c'est le livre s'appelle « La part de l'autre ». C'est un livre qui aborde un sujet assez touché, que c'est pas n'importe quel auteur qui aurait abordé, c'est Hitler. Bon, okay. Comme ça, le matin à 8h30, ça fait un peu drôle. Sujet léger, ici. Sujet léger. Le livre est paru en 2001. Et pourquoi venir parler d'un livre qui est paru en 2001 mm-hmm. alors qu'on est en 2011? Allô? Bonjour. Premièrement, c'est que le questionnement est toujours actuel. Le sujet est quand même intemporel, donc ce dont ça parle, ça peut être autant sorti en 2011 qu'en 2001, il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Et bon, c'est un sujet qui touche tout le monde, les guerres mondiales, Hitler, tout le monde connaît ça un peu, donc c'est pour ça que j'ai choisi de venir s'en parler. OK. Mais c'est pas un livre qui relate la vie d'Hitler. Attends, okay. je vais vous parler de ça. C'est un peu spécial parce que c'est pas une biographie, c'est un roman. Mais avant de vous en parler, j'aimerais ça vous glisser un petit mot sur l'auteur. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un Français qui est né en 60, donc il a 50 ans. Mais pour avoir 50 ans, il a écrit énormément d'œuvres. On parle ici d'au-dessus de 20-30 œuvres. Autant du théâtre, il a commencé avec le théâtre, donc en 1991, et il a enchaîné les pièces, il en a écrit énormément. Et c'est aussi dirigé vers les nouvelles, donc des nouvelles littéraires. Il s'est penché aussi sur l'autofiction, le roman. Donc c'est un auteur pour son jeune âge, entre guillemets, qui a beaucoup, beaucoup écrit. Et d'ailleurs, il a gagné plusieurs prix. Il a gagné un prix Goncourt, donc okay, un prix prestigieux quand même, ouais, en France. Il a également gagné le Grand Prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Donc, ça faisait 10 ans qu'il écrivait et il était déjà gagnant reconnu. D'un prix assez... Ouais, il était très reconnu. Et ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé qu'il avait gagné un prix un peu spécial. C'est un magazine qui avait fait un sondage sur avec les Français pour qu'ils désignent les livres qui ont changé leur vie. Et Oscar et la Dame Rose s'est retrouvé dans cette liste-là à côté de la Bible et du Petit Prince. Ah, donc, ouais. Ça peut montrer quand un même, peu... Ouais. C'est un compliment. Ça. C'est, ouais, c'est un très bon compliment et ça peut aussi montrer l'impact que ça a eu sur les lecteurs. Il a été traduit en 43 langues, joué dans 50 pays, donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Ouais, selon moi, c'est un auteur qui va passer le temps. Mm-hmm. Voilà. Qui va marquer. Oui, exactement. Ouais. Pour le livre La part de l'autre, qui est sorti en 2001, c'est quand même drôle parce que son idée est partie d'un voyage à Vienne. Il est allé à Vienne pour une pièce de théâtre. une de ses propres pièces de théâtre qui était présentée. Et il y avait un guide touristique qui l'a apporté dans un café. Et rendu dans le café, il a dit voilà, c'est ici qu'Hitler se préparait pour son examen d'entrée à l'École des beaux-arts. Avec en peinture. Avec un petit beignet, avec un... peut-être. Une pâtisserie fine. Ouais, peut-être une pâtisserie, un petit café, là, je ne sais pas. Et donc, c'est là qu'il se préparait pour son entrée à l'École des beaux-arts. Et Eric Emmanuel Schmidt, il a répondu quelque chose comme... Attendez. Il a dit... Qu'a-t-il pu répondre? je ne sais plus. Mais quelque chose comme, ah, c'est drôle qu'il soit devenu ce qu'il est devenu alors qu'il voulait entrer à l'École des beaux-arts. Mm. Il s'est dit, bon, c'est dommage. Mais après ça, il a repensé, il s'est dit, mais comment un jeune qui aimait la peinture, qui aimait le cinéma, qui aimait les arts, a-t-il pu devenir le tyran qu'il est devenu? C'est à partir de ce questionnement-là qu'il s'est dit, ah, je pourrais écrire un livre comme sur Hitler. Puis justement, ce qui est intéressant avec le livre dont je vous parle, c'est que c'est un genre qu'on appelle une uchronie. Donc, l'auteur a voulu reprendre un fait réel, donc Hitler, sa vie, ce qu'on connaît de la Deuxième Guerre mondiale et etc. Et il en a fait une version, pas une version améliorée, mais une autre version. Comme s'il avait dit, OK, bon, on va effacer ce qui est arrivé avec Hitler et on va faire un autre Hitler. Une sorte de réalité parallèle. Oui, une réalité parallèle en lien aussi avec l'École des beaux-arts. Parce que Hitler, bon, il a voulu être accepté à l'École des beaux-arts et il n'a pas réussi. Mais donc, Eric Emmanuel Schmidt, il se dit, OK, et s'il avait été accepté à l'École des beaux-arts, qu'est-ce qui serait arrivé? Donc, c'est à partir de ça qu'il a écrit son livre. Ce qui est le fun aussi, c'est que non seulement il se sert de ça, il aurait pu écrire un livre juste sur la vie d'Hitler s'il avait été accepté à l'École des beaux-arts. Mais ce que lui a voulu faire, c'est une alternance entre les deux. Donc, une alternance entre l'Hitler qu'on connaît et son pendant, dans le fond, un peu l'utopie. Oui, s'il avait été accepté, okay. Donc, qui se surnomme Adolf H. Donc, il a donné deux noms différents pour faire le passage entre les deux. Donc, tout au long du livre, il alterne des chapitres entre Adolf Hitler. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et la réalité inventée. Donc, il nous invente une autre histoire et il fait alterner les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas gratuit tout ça. Tu sais, il n'invente pas une vie qu'il aurait voulu. Il se dit pas, j'aurais aimé ça qu'il y arrive ça. Non. C'est quand même assez justifié parce qu'il essaie toujours de faire un penchant entre les deux. C'est quand même philosophique. D'ailleurs, Eric Emmanuel Schmidt, il est docteur en philosophie. Donc, il enseignait la philosophie à l'université et il a décidé de devenir écrivain. Mais il y a toujours un côté. Il donne pas ça gratuitement, là. Ce qui se passe dans le livre, c'est oui, la réalité qu'on connaît, mais. Qu'est-ce qui se serait passé si, justement, il avait été accepté? Et il nous en parle. Bref, il fait suivre un parcours d'artiste, tout simplement. Mais c'est pas... tu sais, dans le fond, c'est un homme normal des années folles qui veut pas aller à la guerre, qui s'y retrouve malgré lui. On parle d'artiste. Adolf H. Adolf H, exactement. Okay. Parce que Hitler, oui, c'est un peu la vie qu'on lui connaît, mais c'est surtout sa jeunesse. Parce qu'on, oui, on connaît ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre, on connaît le tyran qu'il est devenu, mais on connaît moins ce qu'il a fait pendant sa jeunesse. Et ça, c'est ce qu'on découvre un peu pendant le livre. Okay. C'est sûr que c'est pas tout à fait réel, dans le sens qu'il peut pas savoir ce qu'il faisait en 1940, à ce moment précis même. Donc, il y a une part de fiction à travers tout ça, mais tout de même, ça reste documenté. OK. Mais c'est ça, est-ce qu'on peut retrouver des photos, exemple, de Hitler ou, tu sais, mettons, des œuvres que lui aurait pu faire? Non, il nous met ça un peu... OK, c'est vraiment ouais, il nous met ça, ouais, c'est une fiction de ce côté-là. Mais il côtoie, entre autres, je pense, à un moment donné, il côtoie peut-être Picasso, mais il était dans le Cercle des artistes de Paris, puis c'est dans la réalité inventée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'évolution du même Hitler, donc... tout jeune, à peine 17 ans, et on voit comment il évolue des deux côtés. Donc, on voit le Hitler, comment il est devenu Hitler, et on voit l'autre, comment il est devenu une autre personne totalement. Donc, entre autres, ce qui est drôle, c'est qu'il passe sur le divan de Freud. Il se fait faire une psychanalyse, mais tu sais, c'est sûrement pas... c'est pas arrivé dans la vraie vie, là, mais lui, il dit « Ouais, je vais pas rencontrer Hitler. Je me garde. On va régler son problème. » Parce qu'on fait face... entre autres, Hitler, ce qu'il a découvert dans les livres en faisant des recherches, c'est que c'était une personne qui avait pas d'amis, une personne qui était isolée, pas de compagne, pas de vie sexuelle, donc il avait aucun lien avec personne. Et ce qu'il fait avec Adolf H, c'est qu'il fait avoir une vie normale, donc avoir des relations avec les autres, des liens. Il crée des liens. Donc, c'est tout simplement ça. Mais ce qui est le fun dans le livre, justement, c'est l'alternance entre les deux. C'est un gros roman, c'est quand même 500 pages, mais ça se lit très bien. C'est ça qui est quand même surprenant. Tu peux en lire un petit passage. « Ah, je suis tannée, je veux faire autre chose. » Tu le laisses de côté une ou deux journées. Pouf, tu retournes, puis tu rembarques quand même bien dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aime dans les livres, je sais pas si tu peux appuyer ou pas, mais j'aime ça quand il y a beaucoup de chapitres. Oh, dans le sens que divisions. Ouais. Ouais. Tu vas être gâté. Ah ouais? Okay. Ça, c'est plaisant parce que... Des places peux... sont arrêtées. Ouais, c'est ça, tu peux arrêter. Quand tu repars, t'es pas trop... Mais c'est ça. C'est... Ce qui est quand même drôle, c'est que c'est en quatre parties. Okay. Donc, la première partie, c'est plutôt la jeunesse. Donc, au moment où il a été accepté ou refusé à l'École des beaux-arts. Donc, on le suit à pendant qu'il étudie la peinture et même... Il... Tu sais, oui, c'est un sujet sérieux, tout ça, mais il y a quand même quelque chose de drôle, c'est que pendant un de ses cours de peinture, c'est là qu'il se rend compte qu'il y a un problème avec les femmes, un problème avec sa sexualité, parce qu'il s'évanouit dès qu'il voit une femme nue dans un cours de nuit. Oh. Donc, tu te dis, hop là, OK, ça, c'est problème. De la fiction. C'est de la fiction. Okay. Oui, c'est le Adolphe H. OK. Donc, c'est la fiction, c'est ce qui est inventé, mais tu le suis pendant sa jeunesse, alors que l'autre... Adolphe H, il apprend à vivre, tandis qu'Hitler se referme sur lui-même. Si j'ai pas été accepté à l'école, c'est parce qu'ils ont pas vu que j'étais un génie. Donc, c'est comme il y a le pendant entre les deux. Dans la deuxième partie, c'est plutôt la vie d'artiste. Non, la deuxième partie, c'est pendant la guerre. Donc, les deux, Adolphe et Hitler, se rendent à la guerre et ils vivent d'une façon totalement différente. Alors que pour Adolphe Hitler, donc celui qu'on connaît, c'est une manière de socialiser. Donc, c'est là qu'il se... Dans le fond... dans la vraie vie, entre guillemets, c'est là qu'il s'est accompli. Donc, c'était un moyen de créer des liens avec les gens. C'est là qu'il est avoir devenu... Avoir du pouvoir aussi. Ouais, se battre sur le front. Donc, c'est là que c'est à partir un peu de là qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'après ça, il devient un orateur, je dirais pas hors pair, mais un bon orateur. Pas nécessairement pour les bonnes raisons, là, on s'entend. Oh, pas. Mais il devient en quelque sorte un orateur. Donc, on suit son parcours à travers la guerre. On en comprend l'importance dans sa vie. Tandis que dans la troisième partie, c'est plutôt les années folles. Donc, on suit Hitler dans son parcours politique et on suit Adolphe H dans son parcours d'artiste. Et ça continue comme ça jusque la quatrième partie où c'est vraiment la guerre du côté d'Hitler et totalement autre chose du côté d'Adolphe H parce qu'Hitler n'existe pas. Mais on ne dit pas ce qui se passe. Je ne dis pas là. Ce qui se passe. Évidemment. Non. Faut le lire. C'est une surprise. Il faut le lire. Exactement. Et je voulais vous partager quelque chose, un petit plaisir coupable. À la toute fin du livre, il y a son journal. Donc, un journal que Émeric Emmanuel Schmitt a écrit pendant qu'il écrivait le livre. Okay. Donc, tu dis, il explique un peu comment il a voulu, pourquoi il a voulu faire ce livre-là. Il explique aussi que ses amis n'étaient pas nécessairement d'accord. Pourquoi tu t'attaques à Hitler? T'es pas comme lui, tu le comprendras pas. Donc, il le défendait, quoi? non, mais il disait, il bon, voulait Hitler. Pas que... Non, il voulait pas qu'Éric Emmanuel Schmitt aborde le sujet parce okay. qu'il s'est dit ça marchera pas, ça sera pas accepté. Tout c'est quand ça. Même alors, touché aussi comme sujet, c'est un sujet controversé. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir aussi d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est qu'il est habitué avec des personnages historiques que rarement les gens mettent ça en fiction. Donc, c'est attaqué aux religions. Il a écrit sur plusieurs religions, des fictions. Il a même mis des personnages historiques dans ses livres. Là. Donc, entre autres, j'ai lu qu'il y avait Jésus dans un de ses livres. Il aborde Jésus, mais tu sais, il aborde toutes les religions. Donc, c'est pas un plutôt que l'autre. Mm. C'est qu'il touche un peu à tout. Donc, il n'y a pas peur de la controverse, mais en même temps, tout passe bien avec lui. Moi, ça a très bien passé. Ça aurait pu être, tu te dis, ah, Hitler, tu sais. Mais non, ça passe très bien parce que tu sais que c'est, oui, c'est documenté, mais c'est une fiction. Donc, ça reste agréable à lire. Ouais. Il y a des passages qui sont plus durs, mais ça reste agréable. On sait pas si c'est attaqué à Mohamed encore. Par contre, parce que là, je fois, sais ça pourrait. Je ne souhaite pas. C'est ça. On sait, en tout cas. Bref, le Coran. Mais c'est ça, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans son journal, c'était qu'il parlait à quel point l'écriture pouvait être difficile pour lui. Parce que oui, tu t'attaques à un personnage qui n'est pas nécessairement agréable, et il y a beaucoup, beaucoup lu sur lui. Donc, et de la manière qu'il a écrit le livre, c'est qu'il alternait chapitre par chapitre. Donc, il écrivait un chapitre sur Adolphe, il écrivait un chapitre sur Hitler. Ah. Il a fait ça tout le long, jusqu'à la quatrième partie, parce qu'il était plus capable de supporter Hitler. Donc, il s'est dit, je vais l'écrire tout d'un coup. Ah ouais? Je vais m'en libérer. Mais c'était tellement lourd qu'il a un peu pris ses tics physiques à la fin. Ça devenait lourd dans sa vie. Ah ouais. À un point tel que quand, entre guillemets, il a tué Hitler dans son livre, quand il a fini... Sa famille s'en est rendu compte. T'sais. L'atmosphère a changé. Ah oui. Il est descendu, il a fini de travailler, là, c'était fait. Il est descendu souper, puis ses enfants ont fait « Wow, OK, c'est fini. » T'es t'sais. De bonne humeur. Là. Non, mais il disait qu'il avait pris un peu l'éthique physique, qu'il boitait, il était grognon, il écoutait un artiste que Hitler appréciait. Donc, ah, ouais. C'est comme si, pas comme s'il était devenu, mais il a pris de ses tics. Il trouvait ça lourd, il avait hâte de terminer ça, puis je peux le comprendre aussi. Donc ça, c'était drôle. Le journal, à la fin... c'était, moi, c'est, ça a été mon plaisir coupable. J'ai adoré ça. Mais tu finis par ça, tu commences pas par ça. C'est fini avec, ça. Donc, il te révèle des petits secrets sur l'écriture. Mm-hmm. Ouais. Donc, moi, c'est un livre que j'ai apprécié tout simplement parce qu'il nous porte à réflexion. Donc, tu te poses la question, oui, comment il a pu devenir ça, tu sais, alors qu'il était un étudiant tout à fait normal, qui aimait la peinture, etc. Donc, c'est ça que le livre, pas nous révèle, mais nous porte à nous questionner. En fait, c'est ça, je peux me tromper, mais d'après moi, ça doit être un de tes livres préférés dans tout ce que tu as pu lire. Non, non, pas nécessairement. Hein? C'est un livre que j'ai lu récemment, puis je me suis dit, il me semble que c'est intéressant de lire ça, dans le sens que c'est un sujet qui touche à beaucoup de monde, parce que tout le monde s'est posé des questions sur la guerre, bon, pourquoi. Puis ça, pas que ça donnait des réponses, absolument pas, non, mais non, ça porte à réflexion, puis c'est un sujet, tu te dis, ah, OK, c'est quand même drôle qu'il ait décidé de parler de ça, donc pourquoi? Pourquoi il s'est attaqué à ça? Donc moi, c'est pas nécessairement un de mes livres préférés à vie, mais c'est un livre que j'apprécie. C'est un bon livre, un très bon livre, même si long, ça passe bien. Ouais. On rappelle le titre et l'auteur. C'est La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est paru en format poche et attention, c'est à la bibliothèque de Luc Littéraire. Oh! Très bonne idée. Très bonne idée. T'as bien fait ça. Merci beaucoup, Marie-Pierre Laforge-Bourret. On va te reparler de tes... Merci. Oui. J'aimerais bien savoir, moi, tu parlais de tes livres préférés dans la vie. Hein. J'aimerais bien être au courant de ces livres-là. C'est ton aérobie, ça, que tu fais le matin, tirer ton micro, repousser ton micro. Mes exercices matinaux. C'est fini pour la journée, t'en as assez fait. Est-ce que vous avez bien déjeuné ce matin? Oui, coach! Il restait plus tant de lait, fait que j'ai pris juste un bagel puis un yogourt. C'est, ben là, c'est déjà bien, je trouve. C'est mieux que bien des gens, oui. Et vous, monsieur le coach, avez-vous déjeuné ce matin? Ouais, j'ai déjeuné. Ouais? Oh, mais êtes-vous certain? Ouais, j'ai déjeuné. Mais, tu sais, c'est... T'sais, vu qu'on déjeune à tous les matins, c'est répétitif, hein? Oui, vraiment. Tout le temps la même affaire, puis c'est long à faire. Pis, c'est long à faire. Non, mais tu sais, attendre que tes bagels grillent. Ben, sinon, des céréales ou... Ouais, mais c'est pas assez, j'ai des céréales, sinon j'ai faim à 10h15. Ouais. Tu amènes une collation. Ouais, tu peux t'amener une collation, Mathieu. C'est bien. Une bonne idée, une bonne option. Donc, chronique nutrition, on dirait aujourd'hui, non? Comment? On dirait une chronique nutrition. On va mettre dans sa boîte à lunch. Non, mais tu sais, on dirait que les déjeuners, c'est toujours la même affaire, non? Oui. Céréales, toast, un bagel, un petit croissant. Mm-hmm. Mais bon. Muffin anglais. Macaroni au fromage. Ah, tu vois ça? Non, jamais, moi. Jamais non plus. C'est rare. Ah. Bon, commençons la chronique. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler... du groupe The Antlers que j'avais découvert avec leur dernier album Hospice. Eh bien, le 10 mai prochain, The Antlers va sortir son quatrième album long qui s'appelle Burst Apart. Burst Apart! Burst Apart! Ah, salut! Merci. Burst Apart, oui. Puis, moi, je connais pas du tout. C'est très bon? C'est bon? Ben, moi, j'ai bien aimé Hospice. Là, c'est... À date, j'ai entendu une pièce de leur prochain album, donc je peux pas rien te garantir. Mais le groupe, ouais. La pièce, je pense qu'elle va, se mouler dans votre mood matinal de ce matin. Ouais. Je pense qu'elle est quand même douce, donc c'est ça. Mais moi, j'aime bien The Antlers. Ils étaient là à Oshiaga la dernière fois que j'y étais, puis je suis pas allé les voir. Ah, donc, non, mais tu sais, c'est ça, Oshiaga. Ah, faut que tu fasses des choix. Là. Ouais, faut faire des choix dans la vie. Tout est en même temps. Tout est en même temps. Puis, tu sais, c'est ça, dès qu'il y a un petit retard en quelque part, là, ça défait tout, ton horaire. Ça fuck tout ton horaire. Ouais. Donc, on va aller écouter Parenthesis. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Parenthesis, comme parenthesis, des parenthèses. Ouais. Parenthèse. De The Antlers, tout de suite. OK. Dans le bloc, télécharge quoi de Maxime Le Meilleur Ami dans son Yes! Okay. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Pas dans l'armée ici, là. We'll be right back.

nous achever aujourd'hui, toi. Comment? Tu veux nous achever? Ouais, ouais, mais je savais pas que vous alliez être dans un mood relax. Mais c'est je bon. Voulais, je voulais vous relaxer. C'est réussi. Je voulais vous détendre. Un petit massage sur les épaules comme ça, puis bonne journée. Bonne nuit. Mais tu sais, je pense que c'est pas trop représentatif de l'album. Il y a des pièces qui rock un peu plus, The Pains of Being Pure at Heart. Alors, on a entendu la pièce Anne with an E, mm-hmm. De leur plus récent album, Belong. Belong. C'est un G très guttural. Là, ça. Ouais. Ouais. Donc, c'était ça, là. C'est tout? Ouais. Merci, coach. Je vais aller analyser mon pool. Ouais, c'est Lombardy. C'est pas une maladie du dos, ça, je pense. J'ai un Lombardy, tu sais. Ah, c'est bon. Tu fais des liens. Vous écoutez quelques bons moments des deux dernières sessions d'Assemblage Requis. Je vous rappelle que la saison estivale de l'émission commence officiellement le jeudi 12 mai avec la vie de croisière d'Assemblage Requis. J'aimerais ça en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourré tous les jeudis de 13h à 17h. En rappel, les samedis à midi et les lundis à 15h. Pour l'instant, on prend une pause et on revient avec d'autres bons moments dans ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. T'es un vrai chef d'orchestre. Ah ouais. On l'entend ici. Maestro. Sa musique est excellente. Je me fais aller les mains. Oui. Comme c'est sur un theremin, parce que c'est là-dessus c'est fait, un theremin, c'est-à-dire deux barres de métal, oui. Et on joue avec l'interférence du son. C'est spécial, ça, vraiment, à regarder quelqu'un, oui. Jouer ça. Là. Oh oui, c'est des vraies notes, c'est de la musique, là. C'est, oh pas, oui. C'est pas des mouvements de comment. Il faut être quand même assez. Avoir une bonne oreille, en fait, pour, oui. Jouer là-dessus, parce que t'as aucun repère à part le son. Mm. Donc, ça, c'est cool. Justement, avant de commencer, je vais faire un update Doctor Who. Ils ont sorti, oui. La publicité du spécial de Noël qui va être autour de l'histoire de Ebenezer Scrooge cette année. Ah! Ça va être intéressant. Wow! Ouais. C'est bien ça. Faudrait que je me mette à écouter Doctor Who, mais. Faudrait, ouais. Je suis un petit peu en retard. Je pense que j'ai comme 40, 50 décennies. Ouais, quelque chose comme 43 ans, 44, 45. Ouais. C'est trop. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Donc, Simon Fédibé, bienvenue. Aujourd'hui, tu nous parles des Beach Boys. Oui, les Beach Boys. Et malheureusement, on pourra pas s'étendre comme avec les Beatles sur quatre semaines. Donc, j'ai essayé de... Telle une chaise de plage. Ça. S'étendre. J'ai essayé de mettre ça dans un corset, en fait, pour que ça rapetisse et ça soit le plus concis possible. Donc, okay. On va essayer de faire le quoi de clair. On se croise les doigts et on se lance. Allons-y. Donc, l'histoire des Beach Boys débute dans une maison de la petite ville de Hawthorne, en Californie. Cette maison, c'est celle de la famille Wilson, dans laquelle on retrouve le père Murray et ses trois fils, Brian, l'aîné, l'aîné des enfants Wilson, Dennis, le fougueux second, et Carl, le doux rondelet cadet. Le doux rondelet cadet. Le doux rondelet cadet. Ça dit bien. Doudoudoudoudou. Tu sais, il était tout cute, il avait une belle petite baby face, là. C'était le plus beau. En fait, c'était pas le plus beau des Wilson, parce qu'on disait que Dennis était le plus beau, mais c'était le plus douillet. C'était un beau petit Justin Bieber, mettons. Le plus confortable. Ouais, exact. Plus confortable comme Justin. Plus confortable, exactement. Oui. Et donc, Murray, le père, est un col bleu qui a toujours travaillé fort pour le bien de sa famille. Il a même perdu un œil au travail alors qu'il était jeune. Et il a également chéri longtemps un rêve de musicien. Entre autres, il a connu un succès dans les années 40, mais il n'a jamais réussi à s'établir comme un compositeur sérieux, malheureusement. Mais ses enfants ont eu donc le privilège d'avoir une excellente éducation musicale au cours des années. Et des trois, Brian semble avoir le plus de talent au piano et dans l'écriture de chansonnettes. Ils vont souvent s'adonner, les fils Wilson avec leur cousin Mike Love, à des petits spectacles d'école ou devant la famille où ils chantaient des chansons vocales des Barbershop Quartet. Donc déjà, ils étaient très, très musicaux à cette époque-là. Et c'est pendant l'été 1961 que les garçons ont leur première chance. Ils enregistrent une reprise de Their Heart Were Full of Spring, une chanson traditionnelle dans le studio d'un ami de la famille. Celui-ci n'est pas vraiment convaincu, par contre, et demande aux Wilson s'ils peuvent produire une musique à la mode, c'est-à-dire la musique surf. qui est la plus en vogue chez les jeunes californiens, qui était une musique vraiment qui s'en venait de plus en plus populaire. Et bien que Brian soit réticent, il acquiesce aux pressions de Nanis et Mike, qui recherchent la popularité et la gloire dans la musique. Donc, eux autres voulaient pas faire ça pour le point de vue artistique. Yeah. Eux autres voulaient être connus, faire de l'argent et donc être populaires auprès des filles surtout. Et donc, avec quelques centaines de dollars laissés par Murray pour que les enfants puissent se débrouiller pendant les vacances de leurs parents, les garçons vont louer une batterie afin d'enregistrer la première composition de Brian qui se nomme Surfin'. Et ils sont joints par Al Jardin, ami de Brian, à la guitare. Et on peut justement entendre cette première pièce-là. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf. With pop, dip, dip, dip, pop, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, pop, dip, dip, dip, surf, pop, dip, dip, surf, pop, dip, dip, dip, surf, pop, dip, dip, pop, pop, dip, dip, dip, pop. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Pop, dip, dip, dip, pop, dip, dip. From the early morning to the middle of the night, anytime the surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp. It's the latest dance craze. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Pop, dip, dip, dip, pop, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go, but we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax, but that won't stop me, baby, 'cause you know I'm coming back. Going surfing, pop, dip, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, dip, pop, pop, dip, dip, dip, pop, pop, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me now. Come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Simon Fitz, bip, bip, bip. Oui, hey, c'était la pièce Surfing des Beach Boys, première pièce enregistrée dans le garage de la famille Wilson. La première, première, première. Première, première enregistrée pour, en fait, dans le modèle surf, parce qu'eux aimaient mieux chanter des chansons vocales avant, donc pas d'instrument. Et c'était bien sûr dans le cadre de la chronique Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier. Et un pot de mayonnaise. Et un pot de mayonnaise de 15 pouces. Ouais. Ouais. Ça veut rien dire. Exactement. Donc, cette pièce-là, Surfin', des Beach Boys, est la première. En fait, les Beach Boys, ils s'appelaient les Pendletons au début. Les comment? Les Pendletons. Pendletons. Oui, ça, c'était une marque de chemise à carreaux. OK. Et les surfeurs portaient des chemises à carreaux. Et donc, ils trouvaient que c'était bien beau parce qu'il y avait, entre autres, les Deltones qui existaient à cette époque-là, qui était un groupe quand même assez connu. Et ils se sont dit, bon, ben, on va... Comme rendre hommage à ce groupe-là, on prenait un nom fini en tones et Pendletons, tones qui veut dire le ton, bien sûr, la tonalité. Donc, on s'est dit, ils se sont dit Pendletons, c'est très bien pour ce qu'on veut faire comme nom de surf et on va prendre ça. Mais finalement, l'ami de la famille qui avait justement le studio, qui a enregistré, réenregistré la pièce Surfin' après, puisque c'est un démo, a décidé de les appeler les Beach Boys, tout simplement, et c'est devenu leur nom officiel. Et la pièce, justement, Surfin', est un succès instantané dans la localité de Hawthorne. Elle atteint même le numéro 2 local. Et Murray décide de s'occuper de la carrière de ses fils. Il se rend chez Capitol et quelques jours après décroche un contrat pour les Beach Boys. Donc, ils font paraître au début de l'année 1962 leur premier album, Surfin' Safari, qui fait un tabac chez les jeunes Californiens. La pièce titre de l'album atteint la 14e place plutôt au palmarès national et la carrière des Beach Boys est donc lancée. L'année suivante, le groupe fait paraître respectivement Surfin' Safari, qui atteint numéro 2 des ventes, qui fait Non, Surfing USA, exactement. Qui atteint numéro 2 des ventes, Surfer Girl qui se classe 7e et Little Do Scoop, un album qui tourne autour des voitures pour séduire la côte est américaine, parce que là, c'est vraiment rendu au niveau national. On voulait faire donc la vague californienne s'installe partout aux États-Unis. Est-ce que c'était la première fois qu'il n'y avait pas le mot surf dans la titre de chose? Oui, pratiquement, mais c'est drôle parce que Surfing USA, Surfer Girl, et c'est plein de pièces avec surf. Ben oui. C'est comme Love maintenant. Et pourtant, Brian Wilson détestait le surf. En fait, les deux seuls qui surfaient chez les Beach Boys, c'était Mike Love et Dennis Wilson. Et Dennis était le seul vrai surfeur qui était capable d'en faire. Parce que les autres allaient se promener avec des planches de surf juste pour plaire aux filles. Ouais. Exactement. Et donc, cet album-là, Little Do Scoop, se classe en 4e place, entre autres dans le palmarès national. Et finalement, l'album Shutdown Volume 2 lance tous. Ça, c'est des albums lancés en 1963. Donc, 4 albums assez prolifiques. Cette pièce-là, en fait, l'album plutôt Shutdown va se classer 13e dans les palmarès. La carrière des Beach Boys est donc à son paroxysme. Ils enchaînent tournée par-dessus tournée et leur popularité continue d'augmenter partout aux États-Unis. Et c'est dans cette ambiance éclatée qu'apparaît la première vraie compétition de la formation californienne. Et là, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, la compétition des Beach Boys? La seule compétition qu'ils ont eue. Moi, je le dirais pas comme j'ai le texte à côté de moi. Ouais, c'est vrai. François-Olivier? Sincèrement, je sais pas. T'as donné une idée, 1964. Là, on parle de quelque chose de gros qui est arrivé en février 1964 aux États-Unis. Je sais pas. Pense au mois précédent qu'on vient de vivre. Ouais. On vient d'en parler. Non. Mois complet. Chronique phénomène. Novembre. Ah, les Beatles. Oh, oui. Exactement. Hey, désolé, en fait, je sais pas. Là, en fait, ouais. Ben, non, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est les Beatles qui mettent le pied en Amérique le 7 février 1964 avec les 5 premières positions du top 10. Et les Beach Boys n'ont pas encore eu de première position. Il n'y avait pas encore eu de numéro 1. Mais Brian voyait donc la véritable compétition devant lui et il enregistre le tout premier numéro 1 du groupe qui se nomme I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, round, round, round. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, round. I get around. Get around, round, round, I get around. I Get Around des Beach Boys, une pièce qui est apparue en 1964 pour compétitionner aux Beatles. Et ça a fonctionné. Ils ont réussi à déclasser, les Beach Boys, en fait, ont réussi à déclasser les Beatles à la première place du palmarès américain. Et même, ils ont réussi à bien se placer en Angleterre grâce à cette pièce-là, bien sûr. On parle des Beach Boys dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Rocky avec Mathieu Plante et François Olivier. Qui? Allô? Salut! M. Plante. M. Foam. Foam. Moi, je l'appelle Foam. Foam, l'autre fois, c'était mon party. Foam party. Mais je t'ai vu, t'étais dans la mousse, là. Ben ouais, on est tous allés faire un tour dans la mousse après. Ah, ben okay. Après nos trucs respectifs. Ouais. Après, moi, je fais de la radio pendant ces parties-là, c'est pour ça. Ouais. C'est mm-hmm. ça, je fais des trucs. Mm-hmm. Donc, malgré ce succès-là d'I Get Around, Brian a de plus en plus de mal à supporter la pression de la tournée. Entre autres, il est sourd d'une oreille. Il n'aime pas le son que le groupe produit sur scène et il décide de se retirer dans les studios d'enregistrement à la suite d'une crise de panique dans un avion qui devait les emmener en tournée à travers l'Amérique. Donc, il n'aimait pas prendre l'avion, il n'aimait pas aller sur scène, il n'aimait pas la pression mise par les fans et par son père qui était gérant de tournée. Mais le tout va se régler hyper rapidement, surtout lorsqu'il va quitter justement le groupe pour ce qui est des performances live, mais il va se récluser en studio pour travailler sur les prochains albums. Et après un album de Noël et un album en concert qui cimente la popularité du groupe, les Beach Boys lancent Today au printemps 1965. L'album contient le second numéro 1 du groupe, Help Me Rhonda. L'année suivante, le groupe lance l'album Summer Days and Summer Nights, plutôt, qui contient l'énorme succès California Girls. L'année se termine encore en tournée, par-dessus tournée, avec un dernier album de Beach Boys, Party! Et donc, entre 1962 et 1965, les Beach Boys ont enregistré 10 albums venant de la collaboration entre Brian Wilson et Mike Love. Par contre, alors que le groupe est en tournée au Japon, c'est vers Tony Asher que Brian se tourne pour écrire les paroles de son prochain album, prochain opus qu'il a tout le temps du monde pour composer, puisqu'il est également libéré des pressions que lui mettait son père, qu'il a renvoyé. Parce que il a renvoyé son propre père. Oui, à un moment donné, c'est que, bon, quand ils ont commencé, ils étaient quand même assez jeunes, tous les garçons, et ils ont pris de la maturité avec le temps, et Brian Wilson s'est créé un entourage, en fait, des gens qui étaient ses amis, en parenthèse, on peut dire ça, qui étaient en fait des suiveurs, ça lui a donné un peu de confiance en lui. Il a eu assez de confiance justement pour chez son père hors des studios parce qu'il était violent. Il frappait ses enfants malgré le fait qu'ils soient rendus des adultes. Ah, il les engueulait constamment. Et en studio même, il y avait... Il s'assisait derrière les consoles d'enregistrement et on lui avait fait une fausse console où il pensait qu'il contrôlait les sons. Oh. Du studio, alors que c'était le vrai technicien qui s'arrangeait tout parce qu'il était tout le temps en train de dire ça c'est pas correct, chantez pas ça. I Get Around, ça a été une des sessions les plus dures en fait enregistrées parce qu'il voulait pas que Brian chante aussi haut, vous savez, donc il chante tout le temps falsetto très très très haut. Il dit ça sert à rien, on n'entend pas ce que tu fais et tout. Et finalement, la version de Murray aurait probablement été vraiment moins bonne que celle que les Beach Boys ont fait paraître. Mais bref, il a renvoyé son père et il a également à sa disposition un orchestre studio inspiré de celle de Phil Spector, le héros de Brian, qui était un des plus gros producteurs à cette époque-là. Lorsque les Beach Boys donc reviennent du Japon, c'est un Brian enthousiaste et plein de nouvelles chansons qui les accueille pour enregistrer Pet Sounds. L'album n'est pas un succès instantané, mais le groupe sait qu'il tient quelque chose de magnifique entre les mains. Les pièces sont intimistes et extrêmement bien enregistrées. Encore à ce jour, cet album-là est considéré comme un des meilleurs albums de tous les temps. Et nous allons aller entendre la première pièce de cet album-là. Say goodnight and stay together. Et c'était la pièce Wouldn't It Be Nice des Beach Boys tirée de l'album Pet Sounds. Tellement bon cette pièce-là. Ah oui, elle est excellente, vraiment. Et c'est la pièce, en fait, de l'album Pet Sounds qui va être le plus connu. La seule, en fait, qui va être connue. Le seul numéro. Ben, en fait, c'est pas le numéro 1, mais c'est le seul simple, en fait, à paraître dans les radios et à vraiment pogné sur l'album Pet Sounds parce que le public n'était pas nécessairement prêt pour cet album-là. J'aimerais pouvoir vous en parler plus de Pet Sounds, mais malheureusement, il faut enchaîner parce qu'il reste encore une grosse partie de la vie des Beach Boys à regarder. Et c'était bien sûr dans le cadre de la chronique Phénomène, dans le cadre d'assemblage requis avec Kiwan et Mathieu. Moi, mais ouais. Kiwan et Mathieu. Kiwan en Alberta. Faux, mais Mathieu. Faux One. Merci, Simon. Faux One, on aurait pu y donner un petit nom, là, genre Kiwan Olivier ou. Oh, c'est pas pire. François Kenobi. Y a-tu. François Kenobi, merci. Ah oui, c'est pas pire. François Kenobi. Bah, j'aime mieux mon nom. François Olivier Marchand, bien sûr. Merci. Je suis désolé. Correct, je te pardonne. Et donc, fort de la réception artistique de son joyau, c'est-à-dire Pet Sounds, Brian enregistre d'abord la pièce Good Vibration avec le groupe, un autre numéro 1 qui, entre autres, a déclassé les Beatles en Grande-Bretagne. Et c'est un des seuls groupes à réussir à cet exploit-là. Les Beatles étaient toujours numéro 1 lorsqu'ils lançaient des nouvelles pièces. Et Good Vibrations va réussir à vraiment faire un tabac en Angleterre et battre les Beatles sur plusieurs niveaux. Un peu partout dans le monde. Et sur cette pièce, Brian jette les fondations du prochain album des Beach Boys, c'est-à-dire Smile. Ici, il faut prendre une pause, faire un petit aparté. J'ai omis de vous mentionner que pendant les années 1965 et 1966, Brian expérimente beaucoup avec les drogues. Il a débuté, entre autres, avec la marijuana et s'est rapidement tourné vers les drogues de composition chimique, comme le LSD, qui, selon Brian, entre autres, lui permettait d'approfondir sa création. Donc là, vraiment, là, il était un très grand compositeur lorsqu'il prenait de la drogue. Enfin, selon lui. C'est vrai que ça a aidé peut-être à lui libérer l'esprit un peu, mais c'était pas nécessairement pour le mieux. On va le voir par la suite. Et donc, avec ce projet-là, Brian, le projet Smile, bien sûr, il propose un opéra psychédélique en 4 actes représentant l'Americana, le fondement américain des Beach Boys. Malheureusement, Brian est trop enfoncé dans sa consommation de drogue et il perd également son temps à réaliser des enregistrements inutiles. Il est beaucoup trop exigeant auprès des autres membres du groupe qui ne suivent pas vraiment dans sa folie. La capitale, entre autres, va agir un peu comme les Beach Boys. Il ne suit pas Brian dans ses élucubrations musicales parce que parfois, il faisait reprendre la même pièce 20-30 fois et pourtant, elle était exactement pareil à chaque fois. Mais lui, il voulait entendre des trucs qu'il n'avait pas écrits. Il voulait entendre vraiment donc, des ultrasons, des choses comme ça. C'était un peu impossible à l'époque. Ça va bien. Ouais, ça allait très bien. Après plus de 6 mois de travail dans le studio, donc la compagnie disque coupe les fonds à Brian et au groupe et enterre le projet Smile. Donc Brian Wilson prend très mal l'annulation du projet. Il retrouve refuge dans une consommation accélérée de stupéfiants et dans son lit. Il passe près de 3 ans dans son lit à manger des gâteaux et à prendre du poids. Et pendant ce temps-là, les autres membres des Beach Boys essaient de retrouver les succès avec des albums dont Smiley Smile, Wild Honey et Friends qui sont des flops commerciaux. Quand même pas trop pire. Par contre, à écouter, si vous êtes fan des Beach Boys, ça vaut la peine quand même d'écouter au moins une fois. Il y a quelques pièces qui valent la peine là-dessus. Ils vont tenter donc de sauver la mise, entre autres, en mettant Carl dans le siège du compositeur en 1968. Et le groupe donc fait paraître des albums tels que 2020, Sunflower et Surf's Up qui marquent la fin de la période classique des Beach Boys et qui sont également des flops commerciaux malheureusement. Et d'ailleurs, sur l'album 2020, on retrouvait la pièce Cease to Exist ou Never Learn How to Love, qui était une pièce composée par Charles Manson plutôt. Le meurtrier. Le meurtrier, oui. C'était tenu un peu avec les Beach Boys, mais ça, c'est une autre histoire. On en avait parlé. C'est vrai, j'avais entendu l'an dernier, dans le cadre de Paul is Dead. Oui, et la chronique est sur le safe.ca. Il y a plein de liens à faire entre tes chroniques. Oui, faudrait que. On pourrait se taper une compilation. Ça serait cool. Et donc, voilà. C'est encore malheureusement des échecs commerciaux comme Holland et Carl and the Passion, qui sont deux albums qui paraissent au début des années 70 et qui sont encore d'autres échecs commerciaux. Par contre, le groupe va renouer avec le succès avec l'album Endless Summer qui paraît en 1974. Il s'agit ici d'une compilation regroupant les grands succès du groupe entre 1962 et 1966-67. De plus, ils vont profiter de la vague nostalgique qui frappe les États-Unis pour revenir sur scène d'une façon assez kitsch et peu flatteuse. On mettait des grosses voitures sur la scène, on mettait le groupe était vraiment habillé d'une façon bizarre. Ils étaient tous rendus gros avec des barbes, à part Mike Love, le chanteur, qui était petit comme un pic, mais avec une longue barbe et pratiquement squelettique. Là. C'était vraiment pas très, très beau. Il devenait avec le temps un peu une caricature de lui-même. Par la suite, ils vont sortir plusieurs albums peu notoires dans les années 70 et les années 80. Quelques albums en concert qui étaient vraiment les seuls succès, puisque les Bee Gees dans les années 70, c'était un groupe à voir en show. Ça valait vraiment la peine. Même Brian Wilson est revenu sur scène dans les années 70, mais derrière un clavier, pas de micro. Il voulait vraiment être dans le coin. Personne ne le voit. Il était vraiment, des fois, il était derrière les rideaux. Il jouait tout seul en arrière de la scène. C'est assez spécial. Dans les années 80, ils vont faire un comeback. Entre autres, ils vont jouer dans l'émission. Et là, j'ai dans l'émission Full House. Oui, en je fait, sais. Avec, mon premier souvenir des... Ben oui, je sais pas si t'as revu les images, mais c'était quand même assez quétaine. Ouais, un peu. Tous avec leur petit chapeau de capitaine, des affaires comme ça. Et ouais. Ça commençait à être un groupe vieillissant et bedonnant. Comparé aux Beatles, qui ont quand même bien vieilli. C'était des... Ils ont gardé un peu leur chic des années 60. Les Beach Boys, eux autres, ont perdu ça un peu avec tout le temps leur chemise hawaïenne et tout. C'était vraiment pas très, très bon. Et dans les années 80, ils ont fait des concerts. Malheureusement, en 1983, Dennis Wilson décède. Il était en état d'ébriété sur un bateau et il s'est frappé à la tête. Il est tombé dans l'eau et il est décédé, malheureusement. Soulignons qu'il a sorti un album assez intéressant, Dennis, dans les années 70. Le nom de l'album m'échappe, mais ça vaut la peine d'écouter. Juste à regarder Dennis Wilson sur Internet, vous allez trouver. En 1988, ils vont enregistrer la fameuse pièce Kokomo pour Cocktail, qui est un de leurs derniers succès, en fait, récent. Ça s'est hissé, donc, dans les tops de palmarès grâce au film avec Tom Cruise. Par la suite, il y a eu plusieurs batailles juridiques entre Brian et Mike Love, puisque Brian Wilson avait signé Brian et Mike avaient signé les textes et ils se battaient par rapport aux droits des chansons, parce que Brian avait à peu près tous les droits. Et par la suite, au début dans le milieu des années 90, Brian va quitter définitivement le groupe avec des problèmes et Mike ainsi que Brian Johnston vont partir avec le nom Beach Boys et Brian donc ne pas associer rien de ce qu'il fait maintenant avec les Beach Boys, ce qui est un peu dommage. Et vous pouvez voir donc les Beach Boys toujours en concert. Ils sont deux. Ils sont venus d'ailleurs, je pense, il y a 2 ans à Granby ou Valleyfield, quelque chose comme ça. Ah ouais, pour vrai? Ouais, ils ont fait un concert, mais c'est assez quétaine. Ça reste dans le vraiment quétaine. Ils font leur vieille pièce des années 60. Ils n'ont plus la voix. Ils n'ont plus la majorité du groupe qui faisait les belles voix. Donc ça vaut pas tant la peine. Il y a également The Beach Boys Family, qui est le groupe d'Al Jardine, qui était, on l'a pas mentionné souvent, mais qui a été là à peu près tout le long avec le groupe, qui était dans les années 70 quand même un pilier de la formation. Et malheureusement aussi, Carl Wilson va décéder d'un cancer en 1998. Et Brian Wilson a repris du mieux. Il a lancé l'album Smile dans sa carrière solo en 2004-2005. Il vient de lancer un album de reprise de Gershwin cette année. Il va quand même assez bien malgré quelques problèmes de stabilité mentale qui semblent se régler tranquillement pas vite. Donc on lui souhaite le mieux. Et si vous voyez les Beach Boys qui viennent dans votre coin, ben ça vaut pas vraiment la peine d'aller les voir, à moins vraiment d'être nostalgique. Est-ce qu'il y a des spectacles 2 disponibles sur Media DVD ou quelque chose de genre, sinon sur YouTube? En fait, il y a eu Brian Wilson qui a fait une reprise de Pet Sounds, c'était à Londres en 2003, vous pouvez aller voir ça, ça vaut quand même la peine. Sinon, il y a probablement des concerts des Beach Boys, des vieux concerts des années 70 en DVD. Ça joue des fois même à Musimax, pour pas le nommer, okay. Il y a déjà eu une vidéo donc, des années 70, assez intéressant pour voir à quel point ils sont rendus quétaine. C'est triste. Ouais. On écoute un extrait de la pièce Surf's Up. Yeah. Puis on se dit au revoir après. Dove-nested towers, the hour was struck, the street, quicksilver moon. Carriage across the fog, to step, to lamp, light cellar tune. The laughs come home. And rose the fullness of the wine, the dim last toasting. While at port adieu done, a choke of grief, heart hardened I, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and

Et c'est un livre qui est tout court, à peu près une centaine de pages. Ça se lit en une soirée quand on je a le vois vraiment à peine. Envie. Je regarde là puis je le vois. Il est où? Oui, il... c'est ah. à peine si on le voit. Ah, il est là. OK. Donc, c'est une centaine de pages. Ça se lit super bien. Et le titre, ben, le titre du livre, c'est La Gifle. Donc, OK, La Gifle. Uh-huh. D'ailleurs, l'auteur, c'est Roxane Bouchard. Elle enseigne au cégep de Joliette. La Gifle, le concept, c'est que... c'est un drôle, le concept, parce qu'il y a plusieurs chapitres, des chapitres à travers lesquels on voit l'évolution d'un personnage, d'un homme, je crois, qui est de racine italienne, et donc on le voit évoluer avec les femmes de sa vie. Donc, on voit interagir avec sa mère, avec son amante, avec sa... En tout cas, tout plein de femmes dans sa vie. Là, je ne saurais pas dire, ça fait un petit bout, je l'ai lu, mais c'est ça le but de l'histoire. Et il n'est pas toujours agréable. Donc, la gifle, tu te dis... Il va recevoir une gifle à un moment donné ou à un autre. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'entre les chapitres, il y a un guide de comment donner une bonne gifle. Ah, oh, wow! Et ça, c'est très chouette. L'angle, la oui. position de la main. La position de la main. Il y a un historique de la gifle. D'où est-ce que ça vient? Bon, c'était plus utilisé en France qu'au Québec. Okay. Quand est-ce que c'est apparu au Québec? Donc, tu sais, j'imagine qu'il y a des petits trucs. Ça c'est plutôt informé pour certains points, mais mm-hmm. ça doit avoir un peu de fiction à travers tout ça. Je vais vous en lire un petit extrait. Mais en fait, le livre, ce qui est le fun, c'est que ça commence par... Avertissement. Ce livre contient une scène de violence pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est conseillée. Donc, le livre commence comme ça. C'est un peu à la manière d'un film. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce que ça se lit vite. L'histoire du jeune homme est agréable, mais les entre-chapitres avec le guide de la gifle, c'est vraiment intéressant. Je vais vous en lire juste un mini-bout pour vous donner un avant-goût, pour vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air. Donc... Le mouvement giflatoire. Parce qu'elle procède d'une technique précise et d'un doigté sûr, la gifle ne doit pas être confondue avec la vulgaire baffe humoristique. Il s'agit plutôt ici d'un art noble, d'une danse sacramentelle qui nécessite une technique corporelle rigoureuse. D'abord, la position de la main imite celle de la bénédiction papale, mais le geste doit être beaucoup plus vif, hardi et résolu. Le bras de la giflante s'élance vers sa cible avec la grâce des ballerines et la force du lanceur de baseball. Opérant un arc de cercle de 45 degrés vers le haut, le mouvement est souple, long, empli d'une énergie condensée et tonifiante. Le geste est élégant. Donc, c'est un avant-goût parce que ça continue comme ça. Ah, c'est super, j'aime ça. Donc, quand on finit le livre, les filles, on devrait être bonnes pour savoir comment donner une gifle. Une bonne gifle. Je l'aime peut-être moins, finalement, le livre. Non, c'est vraiment le fun. Puis les gars, autant que les filles, vont aimer ça. Donc, La Gifle de Roxane Bouchard. Mon deuxième livre, c'est un livre d'Alain Robbe-Grillet qui s'appelle La Jalousie. Quand on l'avait lu ça, on l'avait lu dans le cadre d'un cours, il y a plusieurs personnes qui ont détesté ça et moi, j'ai adoré ça. Ce livre-là, il fait partie du nouveau roman. Donc, c'est un courant qui était autour de 1950, 1960, quelque chose comme ça en France. Et le but, c'était de détruire la structure normale d'un roman. Mmh. Donc, pour vous donner un exemple, dans ce livre-là, c'est pas une structure, c'est pas, par exemple, une histoire qui se suit, qui se continue avec une trame narrative. C'est mélangé. C'est totalement mélangé parce que même, on revoit souvent les mêmes événements, mais avec un petit peu de... quelques différences par événement. Donc, on revoit tout le temps un mille-pattes de se faire écraser, on voit tout le temps les personnages boire un café au bord de la plantation de bananiers, on voit tout le temps des scènes qui reviennent constamment, mais avec quelques différences près. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est que tu te dis, au début, t'es un peu déboussolé, t'es comme, ben ça, il me semble, on l'a vu tantôt. Ben, t'as des moments aussi, déjà on l'a déjà vu. Mm-hmm. Mais c'est tout le temps un petit peu différent, ce qui fait que c'est bien, puis il y a des passages qui sont absolument... moi, il y a des passages que j'ai adorés. Tu sais, j'ai encerclé, j'ai plié le coin de la page. Donc, c'est vraiment un livre qui revient toujours comme ça. Et La Jalousie, bon, on se dit, pourquoi ça s'appelle comme ça? Et ce qui est intéressant aussi à propos de ça, c'est le narrateur. Parce qu'on ne connaît pas le narrateur. On le voit jamais. Mais on suppose que c'est peut-être le mari. Parce qu'il y a une femme qui est courtisée par un de ses amis, un homme. Et ce qu'on suppose, c'est que c'est le mari, le narrateur, et qui décrit un peu sa jalousie envers l'homme qui aime pas trop. Là. On va le dire tout de suite, là, c'est pas, ça doit pas être l'amour fou. Là. Il likerait pas sur Facebook, mettons. Bah non. Non, il l'aiderait pas sur Facebook. Non. Donc ça serait mon deuxième livre, La Jalousie d'Alain Robbe-Grillet. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent... qui voudraient voir un livre qui sort de l'ordinaire, qui ont envie d'être déboussolés un petit peu. Lui, c'est un Français? Oui, Alain Robbe-Grillet, c'est un Français qui a participé au mouvement du nouveau roman. Okay. Donc, et ça, c'est sorti autour de 1957. Oh, d'accord. Mon troisième livre, En fait, ça s'appelle les Maximes de La Rochefoucauld. Je vous explique rapidement. Des Maximes, ça va être des courtes sentences, des phrases un peu, des phrases punch, qui sont enchaînées les unes après les autres. Donc, pour vous donner une idée de comment les choses sont placées dans le livre, c'est il y a autour de 300 Maximes. Donc, c'est court, court, court. C'est que ça. C'est que ça. Ben, il y a une partie que c'est un petit peu plus long, mais le bout le plus intéressant, selon moi, c'est les Maximes. Parce que c'est court, tu peux en lire quelques-unes par jour, ouais. Tu te délectes un peu et tu passes à autre chose. et pour vous donner une idée, c'est un livre qui a été écrit au 17e siècle par La Rochefoucauld, qui était un duc. Et au 17e siècle, il y avait un mouvement qui s'appelait le moralisme. Pas comme l'idée de faire la morale, fais pas ci, fais pas ça, mais le moralisme, c'est un mouvement qui vise à montrer ce qui se trouve dans le cœur de chacun. Oh. Mais ça fait drôle dit comme ça, mais c'est faire l'anatomie des cœurs. Donc, de montrer que ce qu'on présente, c'est une apparence, c'est de détruire les apparences, de montrer la vérité, ce qui se cache derrière les intentions, alors qu'on va faire un geste, puis que c'est en toute bonne intention, il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ça, et ce serait l'intérêt. Donc, l'intérêt de tous et chacun pense à soi-même. Je vais vous en lire quelques-unes pour vous donner une idée. Entre autres, il y a « Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres ». Donc, ça vous donne un peu une idée de... Moi, c'est un truc... Bon, oui, ça date... Répétez-en ça, vous. Oui, je vais vous répéter ça. Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. Donc, on remarque les défauts des autres, mais peut-être pour pas se montrer trop que nous-mêmes, on en a. Ou quelque chose comme ça. Et ça tourne un peu... Oui, le langage, des fois, il va être dur à lire un petit peu. Au début, t'es comme, hop là, je comprends rien. Mais tu les relis, et à un moment donné, tu te fais au style, et ça devient quand même facile. Il y en a que tu comprends pas. Donc, je dirais pas que je comprends. Il y en a que tu comprendras jamais. Il y en a que tu comprendras jamais, parce qu'en fait, t'es pas quelqu'un du 17e siècle, ouais. Donc la situation est pas identique. Ouais, exact. Mais il y en a qui peuvent s'adapter très bien à aujourd'hui. Il y en avait une que j'avais lue et que je trouvais très drôle, parce que je pense que tout le monde peut se reconnaître un peu dans ça. Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire pour retenir jusqu'aux moindres particularités de ce qui nous est arrivé et que nous n'en ayons pas assez pour nous souvenir combien de fois nous les avions comptées à la même personne? Donc, tu sais, quand on se souvient de « Ah oui, quand j'avais 14 ans, j'avais fait ça », et on raconte trois fois à la même personne, et la personne nous dit « Ben là, c'est parce que tu me l'as déjà raconté. Oui, » oui. Donc, c'est des... Temps. Mais c'est ça, c'est des trucs du 17e siècle, mais qui s'appliquent totalement aujourd'hui. Mais des fois, moi, je sais, ma copine, je dis, tu me l'as déjà raconté, mais elle me l'a pas vraiment raconté. Le petit tricheur, toi. C'est pas vrai. Ça me surprend pas de toi du tout, ça. Mais c'est ce genre de sentence-là, puis c'est vraiment agréable. Donc, moi, c'est un courant que j'apprécie particulièrement, le moralisme. Mm-hmm. Donc, j'ai lu, je pense, deux fois. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Mm-hmm. Je vous le conseille, tu sais, oui, ça fait. Hein, pourquoi tu veux nous faire ça? Mais c'est plus le fun que ça peut paraître. Oui. J'en suis convaincue aussi. Donc, les Maximes de La Rochefoucauld, livre de sentence du 17e siècle. Merci, madame. Et pour mon quatrième choix, là, on s'en vient au numéro 2, à peu près, position numéro 2. Ok, tu vas dans l'ordre, le dernier va être le meilleur. Le meilleur pour le moment. Le moment aussi. Donc, mon choix numéro 2, donc mon numéro 2 dans le top 5, ce serait Kiss Kiss de Roald Dahl. Roald Dahl, moi, dans ma tête, c'est un inconnu, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est lui qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Je ne le savais pas. Pas avec Johnny Depp, là, le livre quand même. Le film. OK, ouais. Ouais, il a écrit le livre avant le film. Je m'en doute. Mais je ne savais pas ça avant de faire quelques recherches hier ou avant-hier. J'ai fait « Ah ben! » C'était une découverte. Ouais. Je le savais absolument pas. Donc, j'ai fait le saut un petit peu. Mais Kiss Kiss, c'est environ une douzaine de nouvelles. Donc, c'est un recueil de nouvelles. Et c'est un peu un humour noir. Il se passe des trucs bizarres. Je pense que le meilleur exemple, ce serait de vous donner un exemple d'une des nouvelles qui s'appelle Cochon. C'est un jeune garçon. Bon, on apprend qu'il est né, ça fait à peu près une dizaine de jours. Ses parents sont tellement contents. La femme dit « Chérie, amène-moi au restaurant parce que pour fêter la venue de notre jeune poupon. » Donc, ils vont au restaurant et ils font garder leur enfant par une bonne en attendant. Mais en revenant, ils ont oublié les clés et bon, ils se font tuer par la police. Okay? Ça arrive, bing-bang, ça arrive comme ça. Mais après, ce qui se passe, c'est que personne ne veut prendre le petit gars. Les deux parents sont morts. Qui veut prendre le petit gars? Qui va l'élever? Ah, la famille, c'est pas trop. Et il y a une vieille tante d'environ 72 ans qui se dit, moi, je vais le prendre. T'sais, c'est une vieille fille, puis elle dit, moi, je vais l'élever. Donc, elle apporte dans la campagne, une campagne reculée. Donc, il est élevé seulement avec sa tante. Il connaît personne d'autre. Sa tante qui est végétarienne, d'ailleurs. Donc, elle lui montre à cuisiner végétarien. Et lui, il n'a jamais mangé d'animal. Il trouve ça dégoûtant. Il ne va pas à l'école. Il n'y a aucune relation. C'est sa tante qui lui fait l'école. Donc, il apprend à lire, il apprend la base et il apprend à cuisiner. Donc, il devient un grand cuisinier, il fait des livres de recettes. Et à un moment donné, sa tante meurt. Donc, il doit réintégrer la société pour aller signer le certificat de mort, etc. Donc, il retourne en société. Et on lui dit d'aller à New York pour aller chercher, un prix, non? Non, pas le prix, mais pour aller chercher l'argent que sa tante avait lui légué. OK. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais il est tellement naïf que tout le monde profite de lui. Donc, le notaire, il dit, il faudrait que je vous prenne 50% de votre montant, etc. Donc, tout le monde profite de lui. Et à un moment donné, il rentre à New York, j'ai faim. Je vais aller dans un restaurant. Et là, il mange ce qui s'appelle du porc. Mais lui, il ne sait pas c'est quoi. Allez. Et donc, il dit, c'est la chose la meilleure que j'ai jamais goûtée. c'est quoi exactement? C'est du porc. Mais c'est quoi du porc? C'est du cochon. Fait que là, il découvre que c'est bon. Il veut en apprendre plus. Comment ça se fait, du cochon? Qu'est-ce qu'ils font avec? Le garçon du restaurant lui conseille d'aller voir dans un abattoir de cochons. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc, je ne vous raconterai pas le punch, mais vous voyez le genre de manière que ça se déroule. C'est un petit peu absurde. Ça se précipite comme les événements se précipitent. C'est une nouvelle, puis il se passe beaucoup de choses pour une nouvelle. Oui, il se passe beaucoup de choses pour une nouvelle. Donc, tu es un peu OK. Il est naïf à ce point-là. T'sais, les parents se font ça d'une manière totalement absurde. Tu fais « OK, mais le livre est vraiment excellent. » C'est toutes des nouvelles qui punchent comme ça. Donc, je ne vous ai pas raconté la fin de la nouvelle parce que je veux vous le laisser lire. Mais ça punche beaucoup. Mm-hmm. C'est de l'humour noir. Donc, j'avais lu ça au cégep et j'avais adoré. Et c'est un peu le cas de tout le monde. Ouais. Donc, « Kiss Kiss » de Roald Dahl. À date, tu as l'air d'aimer les choses qui sont courtes, faciles à lire, tu sais. Ça, c'est court. Oui, c'est des courtes nouvelles, mais il y en a qui sont un peu plus longues. Ça peut être une trentaine de pages. Okay. Donc, ouais, j'aime ça les choses courtes, faciles à lire, mais j'aime aussi les romans plus longs. Mais ça, c'est dans mes choix. Bon, ça a donné comme ça. Ouais. Donc, il y a celle-là. Et mon numéro 1, présentement dans ma vie, parce que ça change... Faut le préciser. Ça change assez souvent. C'est un livre de Jorge Luis Borges. C'est un Argentin. Okay. Et je prononce très mal en espagnol. Ça s'appelle Fiction. Je vais le dire en français, là, Jorge Luis Borges. En fait, il est reconnu dans le monde. C'est pas nécessairement un auteur qu'on connaît ici, mais au niveau latino-américain, il est beaucoup reconnu et il a une grande renommée. Mais on le connaît très peu ici. Et encore une fois, c'est des nouvelles. Bon, OK. Mais la première fois que je l'avais lu, ce livre-là, t'aimes ça, mais t'as de la misère à embarquer dedans parce que c'est un peu compliqué. Ils te mettent dans des drôles de situations... Parce que l'auteur, il parle de livres fictifs, d'auteurs fictifs. Donc, il invente des auteurs, il invente des livres, il invente des situations. Maintenant, tu dois te demander si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ou... Est-ce que l'auteur lui-même existe? Ouais. Ah oui, l'auteur existe. Okay, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai. Oui, assurément qu'il y a probablement des choses de vrai. Il s'est probablement basé, il s'est beaucoup renseigné pour écrire, sauf qu'il invente des choses. Comme par exemple, à un moment donné, il parle d'un certain Pierre Ménard qui serait l'auteur du Quichotte. Mais on sait très bien que l'auteur du Quichotte, c'est Cervantes. Okay. Donc, mais lui, il a réécrit le Quichotte. Mais identique. C'est identique au Quichotte de Cervantes. Donc, c'est parce qu'il ne voulait pas parler contre Cervantes. Peut-être qu'il dit quelque chose. Ben, en fait, non, c'est ça qui est drôle, c'est que lui, il a voulu montrer que. À l'époque, donc du 20e siècle, c'est plus difficile d'écrire Don Quichotte qu'à l'époque de Cervantes. Parce que Cervantes, c'était un milieu qui était... C'était son époque à lui, donc il écrivait selon son époque. Alors que quelqu'un du 20e siècle qui réécrit le Quichotte, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il vivait pas à cette époque-là. Mais c'est drôle parce que tu lis les passages, il montre « voici ce que j'ai écrit ». Et voici ce que Cervantes a écrit, puis c'est la même chose. Il a écrit la même chose. Mais il joue un peu avec les choses comme ça. Il parle d'une encyclopédie, d'une planète inconnue. Puis là, quand tu commences à lire ça, tu fais « ben voyons, je comprends rien ». Puis là, tu recommences, à un moment donné, tu t'habitues. Mais c'est ça peut paraître difficile à lire. Mais oui, il y a une petite difficulté à lire, il faut que tu sois concentré. Mais reste que c'est présentement mon livre préféré. Donc, il y a vraiment quelque chose de très bon là-dedans. y a une des nouvelles qui parle d'une bibliothèque qui va à l'infini. Donc, ça s'appelle la bibliothèque de Babel, mais il nous décrit comment elle est construite. C'est une bibliothèque qui va vraiment à l'infini. Puis pour un littéraire, imaginez ça, c'est juste... C'est le paradis. C'est beau, mais pas nécessairement le paradis, mais tu t'imagines ça, tu te dis « wow ». Puis il n'y a aucun livre de pareil dans la bibliothèque. Donc, c'est pas nécessairement une bibliothèque à l'infini, mais c'est l'écriture à l'infini. Oui, c'est ça, donc, les livres à l'infini. Mais il y a une manière de raconter ça qui fait que les trucs bizarres vont paraître beaux quand même. Donc, il y a un peu de l'étrange dans tout ça, mais il y a du beau. Puis en même temps, il va utiliser plusieurs genres. Il va même avoir une des nouvelles qui est un peu policière. Donc, ça joue beaucoup avec... c'est pareil, un peu nébuleux, mais ça l'est aussi quand tu le lis. Donc, je vous le conseille. Si vous voulez vous mettre à quelque chose, découvrir quelque chose, je crois que c'est un auteur à découvrir. Donc, mais quelqu'un qui lit pas souvent, j'imagine que ça doit être quand même dur à lire. Commence pas par ça. Ouais, non, c'est tu ça, commences pas par ça. C'est ça. Tu lis peut-être un peu d'autres livres et quand tu te sens à l'aise, tu dis « Ouais, moi je suis dedans aujourd'hui », tu t'attaques à Borges. En fait, côté accès, peut-être qu'il y allait dans l'ordre de ta chronique de ce matin, non? Ouais, je pense que ça arrête ça. Bah, ouais. Non, commencer par la GIF. Qu'est-ce, ça se fait bien. Ouais. Qu'est-ce, la GIF, c'est léger. Tu sais, ça se lit très bien. OK. Ouais, fiction, il faut que tu sois attelé. Mm-hmm. Mais je vous le conseille fortement. Donc, oui, il faut surmonter la difficulté. Ben, c'est ça, des fois, il faut donner un petit défi en lecture. Ouais. Donc, je vous le conseille fortement. Fiction de Georges-Louis Borges. C'est écrit autour de 1955. Donc, parfait. C'est disponible partout, ça. Ah oui, disponible dans n'importe quelle librairie. Assurément que Clément Morin, ils l'ont. Probablement même à la bibliothèque. Donc, peut-être qu'ils ont les cinq ici. On ne sait pas. Peut-être qu'on pourrait jouer à la liste d'achat à la bibliothèque de l'UQTR. Ouais, il va peut-être en manquer un ou deux. Peut-être. Ouais, mais non, ça se trouve assez facilement pour les cinq, selon moi. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne lecture. Ben, merci. Merci. Et toi aussi. Ah oui. Tu nous restes assez. Bon exposé oral. Merci. J'ai entendu dire. Bon colloque. Un colloque pour les littéraires en fin de semaine à Rimouski. Donc, À Rimouski. Qu'est-ce que vous faites pendant... Ça va être des conférences pendant deux jours. Donc, okay. Je suis jamais allée, c'est les une première. Qui, mais... non, ça va être des étudiants qui présentent leur projet. Ah, OK. Donc, OK, mais pas toi. Non, je me suis gardée une petite gêne étant donné que je commence ma maîtrise, okay. Mais l'année ça prochaine. Va être... Est-ce que tu écris des livres? J'écris de la poésie. OK. Ah. Ouais. Donc, de la poésie. Tu sais, je parle beaucoup des nouvelles, comme quoi j'aime ça, mais c'est quelque chose que je suis pas capable d'écrire. OK. Faut puncher, ça manque encore. Donc, c'est peut-être à travailler. Vous écoutez quelques bons moments des deux dernières sessions d'Assemblage requis. Je vous rappelle que la saison estivale de l'émission commence officiellement le jeudi 12 mai avec la vie de croisière d'Assemblage requis. Je n'aimerais ça en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourré tous les jeudis de 13h à 17h. On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. Pour l'instant, on prend une pause et on revient avec d'autres bons moments dans ce guide de l'utilisateur d'Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage requis. Allô? Allô? Allô? Le Q oui, est allô? Parfait, l'endroit allô? Où tu embarques. Bon, Maxime Lemieux-Laramé, qu'on accueille régulièrement, chaque semaine, c'est très, très régulier, tous les mercredis matins à 8h. Avant, c'était le mardi. Oui, c'est ça. Mais le coach. Là, t'es rendu régulièrement. Le mercredi, t'es un gars régulier, on peut le dire. Ouais, je suis à mon affaire. Régulier, c'est bon. Ouais, Mathieu. Le coach. Oui, le coach. Bon, salut les athlètes. Vous avez de l'air en forme ce matin. Ouais, correct. J'ai fait l'émission... J'écoutais l'émission tantôt en m'en venant, puis j'essaie de compter le nombre de choses pertinentes que vous avez dites. Non, mais c'est intéressant d'en parler de... Vous savez que j'aime ça, moi, parler de déjeuner. Mm-hmm. Puis vous parlez de sortes de céréales. C'est vrai, à chaque semaine, Maxime Lemieux, Laramé, nous demande si ouais, on c'est a déjeuné. C'est un running gag, une blague à la course. Ouais, en fait, c'est que j'essaie tout le temps de trouver des nouvelles choses à manger le matin. OK. Fait que je me dis peut-être que quelqu'un un jour va arriver et va dire... Du gruau, non? Ouais, du gruau. C'est pas bon, j'aime pas ça, moi, ben, du gruau. Non, mais au moins, ça fait changement, bon, tu sais. Ouais. Mais il y a des sortes quand même pas aussi, ouais. À plein d'affaires. Hein. Ouais, c'est quoi? C'est pomme et cannelle. Il y a pêche et crème qui est bon. Hein. Pêche et crème, c'est tu bon, vois? Bon, je vais peut-être aller m'acheter du gruau pour demain matin. Ouais. Donc, c'est ça, je voulais parler de trois artistes aujourd'hui. J'ai fait des légères recherches. C'est vraiment des artistes que j'ai découverts, là, ben, des pièces que j'ai découvertes au courant de la semaine. Donc, okay. C'est de l'actualité. Ouais, c'est vraiment frais. Ouais, c'est frais, frais, frais. Frais, frais. Donc, pour commencer, je voulais parler de Black Lips, un groupe punk rock.

Moi, c'est un auteur que je pense que beaucoup de personnes peuvent apprécier. D'accord, donc c'est noté et c'est mis sur la liste des choses à lire cet été parce que tu nous as mis 8 livres à date, 5 la semaine passée, 1 et 1, donc ça fait 7 livres. 7 livres, c'est ça, 7 livres. Donc, longue et de la taille que ça finisse? Non, mais il faut prendre une pause dans tes chroniques parce que c'était ta dernière pour la session d'hiver. On va se retrouver éventuellement à différents endroits avec différentes choses. On verra. On verra. On verra, on annoncerait ça des affaires à même, peut-être cet été. Si vous voulez, je pourrais vous mettre même le titre des livres sur Internet pour que vous ayez accès à... Colin Côté 2.0. Parce que, bon, Thanatonaut, c'est pas tout le monde qui sait comment ça s'écrit. Hein? C'est pas si facile. Ouais. Très bon point. T'iras sur la page Facebook d'Assemblage Requis, disons. Disons, là. Donc, merci beaucoup, Marie-Pierre Laforce. Ça fait plaisir. Merci, madame. Chronique littéraire avec un nom, là. Un nom. Qui n'est pas la fille des livres. Non. Pourquoi? C'est correct, ça, non? Les filles, tout le monde est très content de voir les filles. Il a fait des dents. Non? Des dents, ouais, ok. La fée, ouais. La fée clochette, évidemment. La fameuse fée clochette. Ouais. La fée des dents avec le gars, le lutteur, là. The Rock. Là. C'était viril comme film, ça. La fée des dents. The Rock jouait la fée des dents. Ah, je sais pas. Non, j'ai pas vu ça. Gros film de Woody, non? On n'est pas sûr de vouloir le voir non plus. Bon, non, pas sûr que grand gens sont allés les voir, grande population de gens. Vous écoutez quelques bons moments des deux dernières sessions d'Assemblage Requis. Je vous rappelle que la saison estivale de l'émission commence officiellement le jeudi 12 mai avec la vie de croisière d'Assemblage Requis. Je l'aimerais ça en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourré tous les jeudis de 13h à 17h. On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. Pour l'instant, on prend une pause et on revient avec d'autres bons moments dans ce guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'Assemblage Requis. Le fondateur de Dare to Care, Élie Bissonnette, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ben oui. Merci d'être avec nous. Donc, fondateur de Dare to Care Records, parlons un petit peu de la fondation de cette étiquette-là il y a 10 ans. Comment ça a commencé, tout ça? Ça a commencé. Moi, je suis dans un groupe qui s'appelait Naked and Happy avant, à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Puis, quand on s'est séparés, en fait, on a fait un album live. Puis moi, c'est mon idée de l'enregistrer, puis de sortir, de faire un CD live qu'on lançait avec ça. Puis, à l'époque, j'étais avec Hugo Mioti, qui est le chanteur des St. Catharines. On s'est mis en fond, on a parti le label. C'était la première sortie qu'on a faite. Puis après ça, c'était un hobby au début, mais de fil en aiguille, c'est devenu de plus en plus sérieux. Puis on s'est mis à signer des nouveaux artistes. Puis bon, 10 ans plus tard, on est rendu où est-ce qu'on est. Puis on a fait tout le chemin qu'on a fait là, en fait. C'est ça, c'est assez fulgurant en disant le niveau que vous avez atteint. Vous représentez vraiment des artistes très, très appréciés, en tout cas partout au Québec. Pouvez-vous me donner quelques groupes ou artistes que vous représentez en ce moment? Il y en a beaucoup. Là. C'est sûr que pour nommer les plus populaires, si on veut, il y a Cœur de Pirates, We Are Wolves, Malajube, Bernard Adamus, Trico Machine, Jean Leloup. Il y en a plein. On représente à peu près une vingtaine d'artistes, mais c'est ça. On vient de signer Socal, en fait. On lance l'album de Socal dans 2 semaines. Okay. On a aussi les frères Goyette, qui est un artiste de la région. Oui, tout à fait. Ouais. D'abord ici. Ouais. Et vous avez un pendant francophone de ça. Et d'ailleurs, les gens sont mêlés. J'entends souvent la question, mais là, Grosse Boîte, Dare to Care, est-ce que c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. C'est la même, en fait, c'est la même équipe. C'est vraiment travaillé de la même façon. En fait, c'est vraiment juste deux étiquettes différentes. En 2006, on a lancé Grosse Boîte. Puis c'était vraiment dans le but de travailler avec des artistes francophones qui fitaient peut-être un peu moins bien avec la direction artistique de Dare to Care qu'on avait. Surtout au début, parce qu'au début, quand Dare to Care, ça a commencé, c'était vraiment des groupes plus actifs dans les réseaux alternatifs. C'était beaucoup des groupes punk rock qui chantaient en anglais. Puis à un moment donné, il a commencé à avoir des artistes avec lesquels on voulait travailler, mais que ça cadrait moins là-dessus. Puis aussi avec le nom en anglais. Oui. Fait qu'on s'est dit que ça serait bien d'avoir un deuxième véhicule, en fait. Mais au bout de la ligne, c'est la même affaire. Là. C'est vraiment la même équipe. C'est la même famille. Là. Le même amour. Si on veut. Tu m'amènes sur le sujet du nom. Dare to Care en anglais, Grosse Boîte en français. Bon, je sais pas si c'est parce que c'est difficile de traduire Dare to Care en français en faisant des mots qui riment. Mais peux-tu me parler un petit peu de pourquoi ça s'appelle Dare to Care et pourquoi ça s'appelle Grosse Boîte, mettons? En fait, on voulait pas traduire du tout. Dare to Care, quand on cherchait un nom, je veux dire, on a vraiment, on a brainstormé, puis on, il y en avait plein qu'on aimait, mais quand on est sorti Dare to Care, c'était comme une évidence que c'était ça. Vraiment, ça sonne bien, ça rime, puis, ben, aussi, je, d'abord et avant tout, je pense que l'essence, tu sais, du label est dans le nom aussi, tu sais, on avait le souci quand même de faire des choses différemment, de mettre justement, comme tu dis, beaucoup d'amour là-dedans, puis de dire, bon, ben, je pense que si le nom reflète ça en partant, déjà, c'est bien parce que ça annonce les couleurs. Oui. Grosse boîte, ça, je sais pas, c'est, encore une fois, en brainstormant, on cherchait des noms, puis, il y a Bobo Boutin, qui était le batteur des Georges Leningrad, il avait dit, ah, les noms, de toute façon, ça sert à rien, on s'en fera peut-être essayer de, on devrait sortir une grosse boîte, puis on met tous les noms dedans, puis tu piges, c'est ça ton nom. Mais quand il a dit ça, le mot grosse boîte, ça m'a vraiment fait, hey, wow, ça, je trouve que ça sonne bien. Oui. Puis en même temps, je trouvais ça un peu baveux parce que c'est un petit label. Tu sais, il y avait quelque chose d'un peu. C'est ironique un peu, mais oui. Ouais, tu sais, c'est vraiment tout petit, c'est fait maison, c'est vraiment, puis d'appeler ça grosse boîte, je trouvais que c'était comme, il y avait un petit côté irrévérencieux que j'aimais. Finalement, avec le temps, c'est quand même devenu assez gros. Ouais. Pas que c'est immense, mais je veux dire, c'est plus gros que ce qu'on aurait pensé. Fait que finalement, ouais, c'est comme doublement ironique. En fait, je trouvais ça assez drôle. C'est très joli. Là, Delta Care, pour le 10e anniversaire, vous organisez une grosse tournée. Est-ce que c'est partout à l'échelle du Québec ou je dirais que pour le Canada? Ben, non, je l'écoute. On fait 4 shows au Québec, plus 4 shows à Montréal. Okay. On fait Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi. Mm-hmm. Puis à Montréal, on fait un mini-festival qui s'étale sur 4 jours là, avec tous les artistes du label qui jouent en fait là, dans 4 salles différentes. Okay. Mais la tournée au Québec, c'est We Are Wolves, Bernard Adamus, Trico Machine et Jimmy Hunt qui se promènent. Puis on arrête à Trois-Rivières, c'est jeudi prochain, le 5, c'est au Nord-Ouest. Oui, c'est ça, au Nord-Ouest, au centre-ville. Donc, c'est jeudi, le 5 mai. Nous, on n'aura pas d'émission ce jour-là pour le mentionner, mais quand même, on en parle le plus possible aujourd'hui. J'aime pour le Dare to Care Fest, la promotion à 65 $, une passe, une paire de Converse puis un sac à surprise. C'est quand même intéressant, là. Oui, c'est quand même... j'ai fait le calcul, ça revient pas cher. Non, mais c'est super populaire, ça marche, les gens achètent, puis ben, nous, on est bien contents parce que, ouais, c'est une association qu'on a eue avec Converse, on a eu un petit deal avec eux, puis là, de toute façon, on voyait aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir aux 4 shows, fait qu'on s'est dit, bon, on va faire une passe, ça, bon, tant qu'à faire une passe, on va faire un package deal, bon, on a tout dit ça ensemble, puis, ouais, c'est bien le fun. Ben, c'est le fun d'avoir une petite plus-value comme ça, là. Des billets, on en a acheté, mais là, quand t'as un petit plus comme ça, là, c'est ça te donne un souvenir quand même intéressant d'un spectacle. Les gens vont ramener des chandails, des CD, mais ramener une paire de souliers, c'est plus rare, là. Ouais, tu sais, je veux dire, si tu regardes ça juste d'un côté, c'est purement économique, tu sais, je veux dire, une paire de souliers, c'est ça que ça vaut. Si t'achètes des Converse, tu vas les payer 64 anyway. C'est fait que c'est comme si t'avais la passe pour les 4 shows gratuits, plus les 4 surprises. Bon, fait que finalement, ouais, c'est bon, mais on est content justement de pouvoir faire ça et de faire en sorte que ça marche pour tout le monde. Tout le monde est content là. Ouais. Est-ce qu'il y a des retards d'hostie dans vos sacs de surprise? Non. Il y a des quoi? J'aime pas les retards d'hostie. Non, il n'y a pas ça. Non, en fait, on ne sait même pas encore ça va être quoi, mais ça va être, il va y avoir une compilation, il va y avoir des albums, il va y avoir quand même pas mal de stock. Là. Je pense honnêtement, ça vaut la peine. Là. Tout à fait. Je pense honnêtement, ça vaut la peine même si tu ne vas pas au show. Parce que dans le sac, ça, c'est signé. Ouais. Et puis ça encourage Dare to Care aussi, c'est ça l'important d'acheter. Ouais, ben oui, c'est ça, ça encourage les artistes. Ouais. Le début de l'année pour Dare to Care a été assez rempli. Il y a eu beaucoup de nouvelles sorties récemment. Oui. Donc, entre autres, ce qu'on a entendu tantôt, Armistice, qui est sorti en février. Oui, c'est ça. Et ben, ça a commencé avec Armistice. Après ça, on a lancé un album double de Marie-Jo Thériault. Après ça, on a lancé Malajube la semaine passée. Ouais. Puis là, comme je disais, ben, on lance son cadre dans 2 semaines. À travers ça aussi, on a lancé la trame sonore du film... En terrain connu, le film de Stéphane Lafleur, qui est le chanteur d'Avec Podcast, qui est aussi cinéaste, puis bon, il fait des films, puis on a lancé la trame sonore de son film aussi, puis on va sortir aussi en digital dans une couple de semaines, Class, qui est projet, c'est un side project de 2 des membres de We Are Wolves, c'est un peu plus électro, puis ça sort en digital, fait quoi, ça nous fait un genre de 7-8 sorties là, au printemps, ça. Un gros printemps, comme on dit, tout ça, en plus de la tournée, qui a quand même pris beaucoup de temps, là, tu sais, tout bouquer ça, là, autour de la tournée, il y a beaucoup d'activités, fait que, on travaille pas mal fort, ce temps-ci. D'ailleurs, je pense qu'on a entendu un bip en arrière. Je pense que tu as un autre disque de prêt qui vient de sortir de faux. Ouais. c'est une blague. On va terminer parce qu'on est dans une radio universitaire ici. Je voulais savoir qu'est-ce que tu penses des radios universitaires. C'est quoi l'importance des stations comme la nôtre pour la musique au Québec, entre autres? Ben nous, c'est clair que c'est numéro un. Je veux dire, on a tout le temps travaillé avec les radios universitaires, puis même les radios communautaires, puis même dans certains cas les radios de cégep aussi, on travaille en direct avec eux, puis on a tout le temps beaucoup de la part des radios universitaires. Puis nous, ben à notre tour aussi, je veux dire, on aime les supporter, on aime envoyer des trucs pour faire des concours, des fois des tirages, puis tu sais, je veux dire, c'est des associations naturelles de présenter nos shows aussi avec justement avec C'est Fou, avec Chiz, CIS, on fait beaucoup d'affaires avec ce réseau-là. Mm-hmm. Puis ben, tu sais, je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment une association naturelle, c'est vraiment, c'est les radios qu'on écoute, c'est nous, quand on est ici, on écoute CISM, puis bon, ça a toujours été avec nous, puis on continue à évoluer là-dedans ensemble, c'est le fun aussi parce que ces radios-là, ils prennent de plus en plus d'importance par rapport à il y a 10 ans, maintenant, quand on a commencé, parce que ben, il y a beaucoup de ces radios-là qui étaient moins connues, puis là, de plus en plus, c'est pas mal implanté, parce que c'est le fun aussi que, je trouve, on évolue ensemble, on grandit ensemble, on fait tout ça. Ouais, il faut s'encourager les uns les autres. Ouais. C'est pour main dans la main. Donc, on va demander aux gens d'oser aller voir le spectacle de Dare to Care Records. C'est jeudi prochain, le 5 mai, au Nord-Ouest Café, ici même à Trois-Rivières. Et on va se quitter avec une pièce de Malajube, l'album que vous venez de sortir il y a à peine quelques semaines de ça. En fait, je dis quelques, c'est comme une semaine. Ouais, on semaine l'écoute passée. Depuis deux semaines. Mais... ouais, c'est ça. Non, il est sorti en magasin la semaine passée. Fait que, oui, disponible partout en ce moment même. Ça va être l'extrait Synesthésie. Et puis, merci beaucoup à Élie Bissonnette, fondateur de Dare to Care Records. Merci. Ben, merci à vous. Merci, c'est fou. Bonne continuité, là. Bye. Parfait. Bonne journée. Bonne journée. Tantôt, on recevait Élie Bissonnette, le fondateur de Dare to Care. Vous vous souvenez de ça? C'était il y a à peine 10 minutes. Ben oui. On va aller écouter un petit bloc de groupes qui vont être présents ici à Trois-Rivières le jeudi 5 mai au Nord-Ouest Café. Et on commence à l'instant avec Everything Crash de Jimmy Hunt. Bonne idée. Ben oui. Sur C'est Fou, dans vos oreilles.

Wolves. Et la pièce Paloma dans l'assemblage requis. On vous rappelle le spectacle de jeudi prochain, le 5 mai, au Nord-Ouest Café. Il va y avoir Bernard Adamus, We Are Wolves, Trico Machine et Jimmy Hunt sur la même scène pour célébrer le 10e anniversaire de l'étiquette de disque Dare to Care Records. Ça ne termine jamais ici. J'aurais eu le temps de dire comme deux fois la même affaire. Ouais. Jeudi 5 mai, Nord-Ouest Café. Peut-être le soir, je me souviens. C'est un bout, hein? La dernière fois que We Are Wolves était au Nord-Ouest, c'était lors de notre fameux 5 à 7. Oui, l'animateur c'est fou. Ouais. C'était bien ça. Oui. J'étais parti avant le spectacle, par contre. Moi aussi. C'est ce qui termine cette édition spéciale Guide de l'utilisateur d'assemblage requis. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que la saison estivale de l'émission commence officiellement le jeudi 12 mai avec la vie de croisière d'assemblage requis. Je devrais ça en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourré tous les jeudis de 13h à 17h, en rappel les samedis à midi et les lundis à 15h. Je remercie les chroniqueurs qui ont participé à cette émission, Stéphanie Gagné, Maxime Lemularamé, Simon Pitbé et bien sûr Marie-Pierre Laforge-Bourré. Je m'appelle Mathieu Plante et de la part de toute l'équipe, passez une excellente journée et à bientôt!